Chapitre 9. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Dans les villes de toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, car la terreur de Mardochée les avait saisis. En effet, Mardochée était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardochée grandissait. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent et les firent périr et ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et Parcandata et Dalphon et Aspata et Porata et Adalia et Aridata, et Parmacta, et Arisaï, et Aridaï, et Vaïezata, les 10 fils de Haman, fils de Hammedata, adversaire des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre des tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à la reine Esther: à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et les 10 fils de Haman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces royales? Mais quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est encore ta requête? Elle sera exaucée. Esther répondit: s'il plaît au roi, qu'il soit aussi permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les 10 fils de Haman à la potence. Le roi dit de faire ainsi. On en publia l'édit à Suse, et les 10 fils de Haman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi, le 14e jour du mois d'Adar, et tuèrent 300 hommes, sans se livrer au pillage. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir contre leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Le 13e jour du mois d'Adar, en repos le 14, ils en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14. En repos le 15, ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs pérazes, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardochée écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus, auprès et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e d'année en année. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de festin et de joie, où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardochée. Car Haman, fils de Hammedata l'Agagite, adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tourmenter et les faire périr. Mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là « Pourim », d'après le mot « pour ». Ainsi, en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, de ce qu'ils en avaient vu et de ce qui leur était arrivé. Les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux journées selon le mode prescrit et au temps fixé, d'année en année. On garderait le souvenir et la célébration de ces journées, de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de Pourim sont irrévocables chez les Juifs. Leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. La reine Esther, fils d'Abishai et le juif Mardoché, écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre de Pourim. À tous les Juifs des 127 provinces du royaume d'Assuérus, on envoya des lettres, messages de paix et de fidélité. Ces jours de Pourim furent institués à leur date, à l'occasion de leur jeûne et de leur clameur, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient institués, pour les Juifs eux-mêmes et pour leurs descendants. L'histoire d'Esther institue le rituel de Pourim. C'est pourquoi elle est écrite dans ce livre.